La corde d'argent. Un clair matin, Bouddha se promenait dans les cieux, au bord du lac de la fleur de lotus, et il rêvait sous la tiède caresse du soleil. Comme il se penchait sur l'eau du lac, il aperçut dans les profondeurs bouillonnantes de Naraka, l'enfer, un homme qui se débattait furieusement et semblait appeler à l'aide. Aussitôt, Bouddha le reconnut. C'était un homme du nom de Kantuka, un voleur, un débauché, un abominable assassin qu'il avait rencontré pendant son passage terrestre. Bouddha est l'infinie compassion. Il se souvint qu'une fois dans sa vie, ce Kantuka avait manifesté un peu de bonté. Une grosse araignée s'était posée sur sa sandale. Au lieu de l'écraser, il l'avait épargnée et passé son chemin. « Je vais lui porter secours, » songea Bouddha, pour ce geste de compassion. Qui sait, il reste peut-être une lueur de générosité chez ce malheureux. Il prit alors un fil d'araignée, le fit descendre dans le lac, en direction de Kantuka. Le fil se transforma en corde d'argent et le bandit la grippa solidement. Il commença à monter. L'ascension était rude. Kantuka y employait toutes ses forces. Il s'acharnait des mains, des genoux, des pieds, suant et soufflant. Bientôt, il aperçut un coin de ciel bleu au-dessus de sa tête. Il redoublait d'efforts. Quand il jeta un coup d'œil vers les bas-fonds. Horreur! Une dizaine de ses anciens compagnons saisissaient la corde d'argent et s'efforçaient de grimper à leur tour. Cette corde risque de ne pas être assez solide pour nous soutenir tous, se dit Kantuka. Il se souvint alors qu'il avait gardé dans une poche secrète son couteau d'assassin. Je vais trancher cette corde, songea-t-il, et me débarrasser d'eux. À peine avait-il formulé sa pensée que la corde d'argent se rompit au-dessus de lui et il retomba pour toujours dans les enfers. Ce conte rappelle le mythe orphique. Alors, sexe clos, Eurydice, avec mélancolie, s'en retourna parmi les morts, dit le poète grec. On ne peut comparer, bien entendu, la trogne couturée et brutale de Kantuka au délicieux visage de la nymphe Eurydice, mais tous deux connurent un sort semblable. Eurydice trahie par son époux, le faible Orphée, Kantuka victime de son égo, prisonnier de lui-même. Les dieux, après tout, sont justes.